إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence inshallah le cours numéro 25 dans l'explication du livre Al-Fitna wa Mawqiful Muslim Minha. Et on a expliqué, donc on a terminé d'expliquer la position des salaf vis-à-vis de diverses fitnes qui sont arrivées à l'époque de certains d'entre eux. On a parlé des exemples depuis certains d'entre les sahaba, puis ensuite certains parmi les grands imams et les grands ulama de l'islam, comme Cheikh Al-Imam Ahmad, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Et donc là, maintenant on fait un survol dans cette partie-là, c'est la troisième partie du deuxième chapitre. On fait comme un survol de qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là, puis on était en train de mentionner à la fin du dernier cours certains exemples au sujet de la vie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'harmonie qui existait entre les ulama et les woulat, les dirigeants, dans l'état qui a été établi justement par le Cheikh Mohammed bin Saoud, rahimahullah. Maintenant, le Cheikh continuait à donner des exemples à ce sujet-là, et il mentionnait par exemple des choses qui ont été mentionnées par certains d'entre les ulama au sujet de certains individus qui parfois critiquaient ou avaient essayé de critiquer certaines erreurs ou certains péchés du dirigeant. Alors on a vu l'exemple du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et comment il a donné la nasiha à un de ses prêcheurs de ne pas justement faire ce genre de critique de façon ouverte ou publique devant les gens, et de le faire en privé, de faire ses nasiha ou ses conseils en privé. Et ici maintenant on a un autre exemple dans qu'est-ce que le Cheikh a mentionné, c'est dans les paroles du Cheikh Ibrahim ibn Abdul Latif, rahimahullah. Il dit: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. Donc le cheikh, il cite cette parole de l'imam du cheikh Ibrahim ibn Abdul Latif, rahimahullah. Il dit: en ce qui concerne ce qui peut se produire de la part des dirigeants comme péché et comme contradiction qui n'implique pas un coffre, qui ne contienne pas de coffre et qui n'implique pas non plus de sortir de l'islam, Donc quand ils font ce genre de péché là qui n'est pas kufr ou qui n'est pas une sortie de l'islam, ou le fait qu'ils ont quitté l'islam par ce péché, parce que ce sont pas des péchés qui ont atteint ce degré, eh bien le devoir, hein, l'obligation à ce sujet là vis-à-vis de ce genre de péché, c'est de leur donner la nasiha, de leur donner la nasiha de la manière qui correspond à la sharia, avec douceur et en suivant ce que suivaient nos salafus salih, c'est-à-dire de ne pas essayer de les faire paraître, de les faire mal paraître dans les assemblées et dans les endroits où les gens sont réunis, de ne pas parler contre eux pour les faire paraître mal, et de penser que ça fait partie de dénoncer le mal, hein, et que c'est obligatoire de le dénoncer devant les serviteurs. Donc ça, c'est une fausse conception, hein, parce qu'il y a des gens qui ont cette conception-là. Ils citent par exemple le hadith « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa'in lam yastati' fa bilisanih, fa'in lam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adha'fu l'iman. » Ou bien ils pensent donc que ça fait partie de ça, c'est-à-dire ils pensent que le fait de critiquer les dirigeants et de parler de leurs fautes et de leurs péchés, ils pensent que ça fait partie, de lorsqu'on voit un mal, qu'on le change avec la main ou avec la langue ou avec le cœur, et ils pensent que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, bien entendu ça c'est une compréhension qui est la compréhension des Khawarij et la compréhension des Mu'tazila, comme les ulama l'ont expliqué, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a expliqué, et d'autres parmi les ulama des Salaf, que ça ne fait pas partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, puisqu'il y a des textes spécifiques à ce sujet-là lorsque ça concerne les wulat, c'est-à-dire les dirigeants. Et que lorsqu'on donne la nasiha aux dirigeants, il faut que ce soit donné avec douceur, et que ce soit fait en privé. Et que ce soit fait en privé et non pas de façon publique. Puisque le cheikh il explique que de penser que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal lorsque c'est fait de façon publique, il dit c'est une grave erreur et c'est une ignorance apparente. La personne qui fait ça, elle ne sait pas ce que ça peut avoir comme répercussion et comme méfait énorme dans la dunya, dans la religion et dans la dunya, hein, dans les affaires de la religion comme dans les affaires de la dunya. Et c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé son cœur qui sait en réalité la réalité de ce que ça peut faire justement comme répercussion négative sur les musulmans. Donc celui que Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé son cœur, eh bien il va être conscient de ça, il va comprendre ce que ça signifie comme effet négatif et néfaste. Et celui également qui connaît bien entendu la voix des salafus salih et des imams de la religion, il comprend cet aspect-là de la religion de façon très claire. Et cette citation, elle est tirée de Ad-Durar al-Saniya, le volume 9 à la page 119. Hein? Parce que vous avez des fois, parfois vous allez entendre certains parmi les takfiriyins et les khawarij de notre époque qui essaie justement de citer les paroles de certains d'entre les imams de la da'wa parmi les élèves et les descendants du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui vont tirer des citations, par exemple, de Ad-Durar al-Saniya. Et Ad-Durar al-Saniya, c'est les écrits des imams de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ceux qui sont venus après parmi les ulama qui ont suivi son exemple et sa voix et son manhaj. Donc ils essaient de tirer des paroles et des exemples de ces imams pour essayer de justifier des aspects du takfir qu'ils font, ou bien des aspects de la critique des dirigeants, ou de faire le takfir des dirigeants, etc., etc. Mais bien entendu, quand ils font ce genre de choses, ils prennent certaines paroles et ils les mettent en dehors de leur contexte, et puis ils essaient de faire dire à ces imams ce qu'ils n'ont jamais dit. Et ils n'ont pas compris la réalité du manhaj de ces imams, qui est en réalité le manhaj des salaf salih. Hein? Donc il n'y a pas aucune preuve pour eux dans les paroles de ces imams. Hein? Et puis pour comprendre leurs paroles, il faut retourner à leur manhaj et comprendre leur fondement. Hein? Ça c'est très important. Le Cheikh dit « Wa hakadha istamarra ulama'u hadhihi ad-da'wati al-mubarakah bimu'azarati hukami hadhihi ad-dawlah al-mubarakah bil-munasahati wal-mushawara wal-i'anati ala tariqati as-salaf. Li'anna dhalika لأن في ذلك نجاة الأمة وسلامتها من الفتن وإعطاء ولي الأمر حقه الذي شرعه الله له. فإذا وجدوا من شذ عن هذه القاعدة السليمة والطريقة المرضية بادروا إلى نصحه وتوجيهه. فمن ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهم الله جميعا إلى بعض من بدر منه خروج عن منهج السلف في ذلك ممن ظاهره الصلاح، حيث كتب إليهم يقول: أما بعد، فالموجب لهذه الكتاب والداعي إليه هو النصح لكم والشفقة عليكم، لأن من حقكم علينا بذل ذلك لكم. وقد بلغنا اجتماعكم وتزاوركم، فإن كان المراد بذلك التذكر بما من الله عليكم من نعمة الإسلام واجتماع الكلمة وذهاب العدو والحرص على التزام هذه الإمامة والولاية والقيام بحقها، فما أحسن ذلك. وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف الذي هو من دين الجاهلية الأولى والطعن على من ولاه الله عليكم وعيبه وسلبه وتتبع عثراته للتشنيع عليه ونسبة علمائه للمداهنة والسكوت، فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيمة، وقاكم الله شرها وحال بينكم وبين أسبابها. Donc on va commencer par traduire cette partie là de la citation de ce cheikh, de cet imam. Il dit que les ulama de cette da'wa al-mubaraka, de cette da'wa qui est bénie, ont toujours supporté les dirigeants de ce pays béni, hein, en leur donnant la nasiha et en leur donnant la consultation et le conseil et en les aidant selon la voie des salafs. Et il y a dans ça, bien entendu, le salut pour la umma et la paix pour la umma de toutes sortes de fitan, de toutes sortes de tribulations et d'épreuves et de malheurs. Et c'est aussi le fait de donner, et ça représente également le fait de donner aux dirigeants le droit qui lui revient selon la charia que Allah a légiféré. Et lorsque les imams et les ulama de cette da'wa ont trouvé des individus qui ont pris des positions singulières et qui se sont détournés de cette règle propre et de cette voie agréée, eh bien ils se sont précipités pour leur donner la nasiha et le bon conseil et pour les orienter vers la bonne chose et vers la bonne voie. Et parmi les exemples de ce genre de nasiha, il y a ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman rahimahumullah jami'an a écrit à un d'entre ces individus qui commençait justement à montrer des déviations par rapport au manhaj des salafs en ce qui a trait à la question des dirigeants et de montrer leurs péchés ou des choses de ce genre. Donc ils ont donné tout de suite la nasiha, il a tout de suite écrit une lettre pour donner la nasiha à cette personne. Et dans cette lettre il disait ensuite, la chose qui fait que j'écris cette lettre, hein, et que je vous écris cette lettre, c'est pour vous appeler et pour vous mentionner que, bien entendu, on a le devoir de vous donner la nasiha et de faire preuve d'attention envers vous, hein, et d'affection envers vous et envers tous les musulmans, et de vous donner votre droit, hein, le droit qui vous revient, c'est-à-dire de vous donner la nasiha. Et on nous a appris, hein, il nous a atteint l'information, c'est-à-dire on nous a informé et l'information nous est parvenue que vous faisiez des réunions et que vous vous visitiez. Et si le but de ces visites et de ces rencontres est pour vous rappeler des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a placé sur vous parmi les grâces de l'islam, et le fait de vous réunir pour unir vos paroles et vous appeler à l'union, et de faire partir l'ennemi qui est parmi vous, ou des choses de ce genre, et d'inciter, de faire des efforts pour que cette يعني cette gouvernance qui est là sur nous soit toujours et continue de rester et qu'elle soit toujours établie, eh bien ça c'est quelque chose de bien dans ce cas-là, et de donner le droit à nos dirigeants qui leur revient, ça c'est quelque chose de bien. Toutefois, si le but de vos réunions c'est la division et la divergence et de ramener des choses qui font partie de, des choses de la jahiliya, de l'époque pré-islamique, et de, d'attaquer ou de critiquer les dirigeants qui sont au pouvoir sur vous et de faire paraître leurs défauts et de suivre leurs fautes et d'essayer de les faire paraître mauvais, d'essayer de les faire paraître mal, hein, et d'accuser les ulama d'être des gens qui font des compromis et qui se taisent et qui ne disent pas la vérité ou des choses de ce genre, alors ça c'est un signe très mauvais, hein, et c'est un saut, hein, c'est disons un faux pas que vous faites qui est très mauvais et très grave, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous en préserve et vous préserve du mal qui existe dans cette chose, et qu'il vous place, c'est-à-dire qu'il fasse que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'il y ait entre vous et ce genre de comportement une barrière qui vous éloigne de ces causes. Ensuite, le cheikh il dit فأذكركم أولا نعمة الإسلام وما من الله عليكم من الانتقال عن عوائد الآباء والأجداد وسواليفهم التي خالفوا في أكثرها ما جاء في الكتاب والسنة واتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله بعثته رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على أعداء الملة والدين فاشكروا مولاكم على ذلك واشكروه أيضا على ما من به في هذا الزمان من ولاية هذا الإمام الذي أسبغ الله عليكم على يديه من النعم العظيمة ودفع به عنكم من النقم الكثيرة وخولكم مما أعطاه الله وتابع عليكم إحسانه صغيركم وكبيركم وقام بما أوجب الله عليه حسب الطاقة والإمكان ونظره بمصالح المسلمين وما يعود نفعه عليهم ودفع المضار عنهم وحسم مواد الشر أولى من نظركم والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه فالذي يطلب الأمور على وجه الكمال وأن تكون على سيرة الخلفاء فهو طالب محالا فاسمعوا له وأطيعوا وراعوا حقه وولايته عليكم واحذروا غزو الشيطان وتسويله وخدعه ومكره فإنه متكئ على شماله يدأب بين الأمة بإلقاء الشحناء والعداوة وتفريق الكلمة بين المسلمين وإعادة له مزكان ولا يسلم من مكره إلا من راقب الله في سره وعلانيته ويقف عند أقواله وأعماله وحركاته وسكناته وتفكر في عاقبة ما يسير إليه في مآله وراجع أهل البصائر والمعرفة من أهل العلم الذين لهم قدم راسخ في المعرفة والفهم. Donc ça aussi c'est une autre parole. Le cheikh il dit, la première chose que je vous dis et que je vous rappelle, c'est la grâce de l'islam et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur vous comme faveur, du fait qu'il vous a fait quitter les voies de vos pères et de vos ancêtres et les traditions qu'ils ont suivi, qui dans la grande majorité sont en contradiction avec ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna, et de suivre, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses grâces également, il y a le fait qu'il vous a amené à suivre ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce noble messager, que Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait la venue comme une grâce, une miséricorde pour les mondes. Et une preuve pour ceux qui veulent suivre la bonne voie. Et une preuve contre toute personne qui est ennemie de cette religion et de cette voie. Alors remerciez votre maître, Allah subhanahu wa ta'ala, soyez reconnaissant envers lui aussi, hein, qu'il a fait également qu'à cette époque, il y ait sur vous, hein, ce gouvernement, ce dirigeant, cet imam, par lequel, hein, par les mains duquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait que des grandes grâces vous touchent, et par les mains duquel également il a fait que beaucoup de malheurs soient écartés de vous. Et il a distribué parmi vous ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Et il a également fait suivre sa bonté sur les petits et les grands d'entre vous. Et il a établi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné sur vous selon sa capacité et selon ce qui est possible. Et il a regardé pour vous également dans les bienfaits et tout ce qui est bénéfique et bon pour les musulmans. Et pour qu'est-ce qui peut leur amener, hein, un profit ou un bienfait. Et il a repoussé tout ce qui est nuisible et mauvais, hein, des musulmans. Selon sa capacité. Et donc, bien entendu, si vous recherchez la perfection, alors sachez que la perfection n'a pas été atteinte par ceux qui étaient meilleurs. Hein, par ceux qui étaient meilleurs. Il dit, wal kamal lam yahsul liman huwa afdal minhu. C'est-à-dire, la perfection, elle n'a pas été atteinte par celui qui était meilleur que lui. C'est-à-dire meilleur que ce dirigeant-là. Donc, celui qui recherche dans ses affaires à faire les choses selon la perfection, hein, et que il veut que le dirigeant soit à l'exemple des khulafa, Rashidin, alors il demande l'impossible. Hein, c'est-à-dire que vous demandez de ce dirigeant-là qu'il soit parfait et qu'il soit comparable aux khulafa Rashidin. Il dit, sachez que la perfection, elle n'est pas venue même dans ceux qui étaient meilleurs que lui. Alors, il dit, ne cherchez pas à demander l'impossible. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils cherchent. Ils cherchent que les dirigeants soient parfaits. Ils cherchent que les dirigeants soient parfaits, sans erreur. Et ça, c'est impossible. Donc, le cheikh, il dit, alors, écoutez le dirigeant et obéissez-lui. Et prenez en considération les droits qu'il a sur vous et l'autorité qu'il a sur vous, et prenez garde à la guerre du shaitan qu'il fait contre vous, hein, et à ses ruses, parce qu'il est, hein, il est là à côté ou appuyé sur sa gauche, et il essaie de faire tomber les musulmans dans l'animosité et dans la haine pour diviser la parole des musulmans et pour mettre, hein, la division entre les musulmans, et pour les ramener à qu'est-ce qu'ils étaient, hein, à qu'est-ce qu'ils avaient comme division auparavant. Et personne ne peut être épargné des ruses du shaitan, excepté celui qui a été sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui reste conscient que Allah subhanahu wa ta'ala le voit et le surveille lorsqu'il est seul et lorsqu'il est, hein, devant les gens, ou lorsqu'il est dans le secret, ou lorsqu'il est divulgué, ou devant tout le monde, et qui reste sincère dans ses paroles, et dans ses actions, et dans ses mouvements, et dans ses moments qu'il est immobile, ou qu'il ne bouge pas. C'est-à-dire, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, il reste toujours conscient que Allah le regarde, et que Allah le surveille, dans ses paroles, dans ses actions, et dans tout le reste. Hein, et qui réfléchit à la conséquence de ce que, hein, de ce qu'il fait, conséquence de ce qu'il fait, et il revient aux hommes de science, aux hommes de compréhension, hein, qui ont un pied fermement ancré dans la connaissance et dans la compréhension de la religion pour savoir comment agir dans les différentes situations. Donc ça, c'est tiré encore une fois du livre Ad-Durar As-Saniya, le volume 9, de la page 103 à 105. Donc on voit encore une fois une autre nasiha qu'un des ulama de la da'wah a donné justement à une personne comme cette personne qui a des shubuhat dans les questions de manhaj et qui veut appeler les gens yani à contredire la voix des salaf en ce qui concerne ce genre de questions. Ensuite il dit فانظر, le Cheikh Mohammed ibn Aqil il dit فانظر حماك الله من الفتن إلى هذا الفهم الثاقب والفقه النادر الذي ضمته هذه الرسالة العظيمة في هذا الأمر الخطر الذي تقوم بسبب جهله الفتن الكبار في الأمة لولا ما يهيئه الله لها من أمثال هؤلاء العلماء الربانيين رحمهم الله الذين يقودون الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتسلم الأمة فتسلم الأمة من كل فتنة وسوء بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان المتأمل لهذه الكلمات النافعات يجدها قد عالجت أمر الفتن بسد أبوابها وبيان الموقف الصحيح منها وتذكير الناس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وبيان حال الناس قبل هذه النعم, فإن ذلك مما يعين على سد أبواب الفتن. فجزى الله الشيخ عن الإسلام وأهله خير الجزاء ورزقنا اتباع هذا المنهج السوي في الشدة والرخاء. Donc le Cheikh il dit, regarde que Allah te préserve des fitan. Regarde cette compréhension qui est ferme. Regarde cette compréhension qui est bien établie de ce savant. Regarde cette compréhension qui est rare à trouver, qui est comprise dans cette lettre que cet imam a écrit au sujet d'une grande question qui est très très sérieuse et dangereuse. Et yani, une question au sujet de laquelle yani, beaucoup de gens, à cause de leur ignorance, sont tombés dedans et ont fait des grandes tribulations dans la Ummah. Et si ce n'était pas que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait en sorte que on ait des exemples de grands savants comme ce grand savant, qui fait partie des savants qui sont parmi les éducateurs, Rabbaniyin, rahimahumullah, qui guide la Ummah par le Coran et par la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, yani, c'est grâce à l'exemple de ce genre de savants que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour guider la Ummah, qu'elle est épargnée de ce genre de fitna et de mauvais exemples de situations de fitan comme ça dans la Ummah. Et tout ça c'est bien entendu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens aujourd'hui, juste par rapport à ce que le Cheikh il dit maintenant au sujet du fait que il y a des savants justement, que c'est eux qui préservent la Ummah et qui les guident et qui les préservent des différentes fitnes. Et bien on a des gens aujourd'hui qui, lorsque on rappelle l'exemple de ces savants là eux ils disent non, ça c'est des savants qui sont des savants qui travaillent pour les dirigeants, qui veulent faire plaisir aux dirigeants et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils appellent les gens à ne pas faire de manifestations, ne pas faire de révolte, et d'obéir et d'écouter aux dirigeants. Et on voit donc qu'ils considèrent que ceux qui appellent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces questions-là, eh bien, il n'est pas sincère envers la Ummah et qu'ils travaillent pour faire plaisir aux dirigeants au lieu de faire plaisir aux gens et à la population. Et ça, c'est le contraire en réalité. Le contraire en réalité. Parce que les savants qui appellent à écouter et obéir les dirigeants, ils le font uniquement parce que ça, c'est l'islam qui ordonne ça. Et que c'est l'islam qui nous enseigne cela. Et celui qui appelle à faire le contraire, il appelle à contredire la sunna. Donc c'est lui qui veut le mal pour la Ummah. C'est lui qui veut du tort pour la Ummah. Et qui appelle les musulmans à l'égarement. Donc c'est ça ce qu'on remarque à notre époque. Que les gens qui sont les loups, ils essaient de se faire passer pour les moutons. C'est des loups à peau de mouton. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre des gens de cette catégorie-là. Qui ont des belles paroles, des beaux discours, qui ont des peaux de mouton, mais qu'à l'intérieur, en réalité, ce sont des loups. Hein, ce sont des loups, des gens qui appellent les gens à qu'est-ce qui va les faire tomber dans le malheur et dans la fitna et dans le mal. Et après, on voit la réalité de leur visage lorsque, par la suite, hein, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, on voit la réalité de ce qu'ils font par la suite. Et regardez, dans les pays musulmans, c'est ce qui se passe actuellement. Tous ceux qui ont demandé, par exemple, des manifestations, qui ont fait des révoltes dans les pays arabes pour avoir le pouvoir, et maintenant qu'ils ont eu le pouvoir parmi les islamistes et autres, parmi les Ikhwan et autres, comme par exemple en Tunisie ou ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit dernièrement? Justement, le parti des islamistes en Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on ne va pas appliquer la charia parce que les laïcs ils veulent pas. Donc on va pas appliquer la charia, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne craignez rien. On va pas appliquer la charia. Donc ça c'est la preuve que c'est pas la charia qu'ils veulent appliquer. Ils veulent juste le pouvoir. Hein? Et donc ça c'est des exemples, et la même chose c'est arrivé déjà au Soudan dans le passé, c'est arrivé et ça va continuer à arriver tant que ces gens-là sont sont toujours en train de faire des fitnes dans les pays musulmans. À chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, on les démasque et on voit la réalité de ce qu'ils cherchent à faire. Et par la suite, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qui risque d'arriver parfois, c'est que les gens commencent à détester l'islam à cause d'eux. Les gens commencent à détester l'islam à cause d'eux parce qu'ils vont s'imaginer que ce que ces gens-là font, c'est ça l'islam, et étant donné qu'ils déforment la réalité de l'islam, eh bien les gens commencent à se révolter contre la religion en croyant que c'est ces gens-là qui la représentent, alors que ces gens-là ne représentent pas du tout l'islam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit que si la personne réfléchit et médite sur les paroles qui sont bénéfiques dans cette lettre que le cheikh a écrite, et comment il va comprendre comment elle a résolu et remédié aux questions qui ont rapport avec les fitanes. Et comment elle a fermé toutes les portes aux fitanes. Et que ça, c'est que cette lettre, elle a clarifié la position qui est correcte, ce genre de lettre. Parce que elle rappelle les gens de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grâce qu'ils ont, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a mis sur eux, et elle clarifie également l'état de la situation des gens, la situation dans laquelle les gens étaient avant qu'ils ont reçu cette grâce. Et lorsqu'on réfléchit sur ce genre de choses, eh bien c'est quelque chose qui nous aide justement à fermer la porte de la fitna. Si on réfléchit sur l'état dans lequel on était avant, et puis ça nous aide à réfléchir et à comprendre qu'est-ce qui arrive par la suite si on change. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux, ce qu'il y a en eux-mêmes. Il y en a qui pensent que ça signifie que Allah va pas changer l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé leurs dirigeants. C'est pas ça que ça signifie le verset. Le verset, ça signifie pas Allah ne va pas changer l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé leurs dirigeants. Le verset dit Allah va pas changer l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes par rapport à leur islam, par rapport à leur pratique, par rapport à leur foi, par rapport à leur accrochement à la sunna, par rapport au fait qu'ils s'écartent du shirk et du kufr et des bidas et des péchés et des désobéissances et des passions et ainsi de suite. Et s'ils sont sur la droiture et sur la guidance et sur la sunna et sur la bonne voie et qu'ils appliquent la sharia, eh bien Allah ne va pas changer cette situation-là jusqu'à ce qu'ils changent ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils commencent à pencher vers la désobéissance et l'égarement et la déviation. Alors quand ils tombent dans ces choses-là, eh bien Allah change leur situation et ils retournent comme quand ils étaient là, comme auparavant, comme dans la jahiliya, à cause de leur à cause du fait qu'ils ont changé en eux, ce qui était en eux-mêmes, de la foi, de la piété et ainsi de suite. Donc c'est ça la signification. Et le cheikh dit ensuite وقال محمد بن عبد اللطيف أيضا والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله في رسالة لهما في بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة باجتماع الكلمة والتحذير من مداخل الشيطان ومكره حيث قال ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له وعدم الطاعة له. Et non, juste avant, j'avais pas fini là, quand le cheikh il disait juste avant ça, il disait donc que ça c'est qu'est-ce qui aide à fermer les portes de la fitane, les portes des fitanes. Donc Allah remercie le cheikh pour l'islam et pour les musulmans de la meilleure récompense et qu'il nous qu'il fasse en sorte que on puisse suivre cette voie droite dans toutes les situations, que ce soit des situations d'aisance ou de difficulté. Et donc ensuite, donc après, il mentionne donc la parole de ces deux imams. Le cheikh il donc cette parole qui dit ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا بل كل منهم يستبد برأيه وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معانقته وفي معاهدته لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم لأن بولايته تستقيم وتتفق كلمة المسلمين لا سيما وقد من الله بإمام ولايته ولاية دينية وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. Donc le cheikh il mentionne donc les paroles de ces deux grands imams, le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif et le cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Anqari, qui tous deux ont dit parmi les choses que le shaytan ont fait rentrer chez les gens également, il y a le fait d'avoir une mauvaise pensée ou mauvaise d'avoir des suspicions négatives envers le dirigeant, et de ne pas leur obéir, parce que le cheikh il dit ça fait partie des plus grands péchés et ça fait partie de la religion de la jahiliya, de ceux qui ne considèrent pas l'écoute et l'obéissance comme faisant partie de la religion, et qui pensent que chacun doit imposer son propre opinion. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on voit dans les situations de divergence chez les koufars, lorsque le dirigeant des koufars ont une opinion, par exemple en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique, peu importe dans ces pays-là, même en Orient ou en Occident, quand il y a quelqu'un d'entre eux qui a une opinion divergente de celle du gouvernement, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des manifestations, ils vont faire des ils vont faire des grèves, ils vont faire toutes sortes de choses pour essayer de contester et faire de la pression sur le gouvernement, pour imposer au gouvernement son opinion, même si le gouvernement pense que qu'est-ce qu'ils font c'est la meilleure chose pour les gens, eux du moment qu'ils considèrent que le gouvernement a tort, ils vont tout faire pour essayer d'imposer au gouvernement leur propre opinion. Et qu'est-ce qui est étrange parfois de constater, c'est que ces koufars, quand il y a des manifestations dans les pays musulmans, ils vont encourager les désobéissants parmi les musulmans à faire des révoltes. Et ils vont les encourager à faire des manifestations, et ils vont même parfois les aider avec les armes, pour faire ce qu'ils veulent, hein, pour les amener à se rebeller contre leurs dirigeants et à faire des manifestations, soi-disant, au nom de la démocratie, pour établir la liberté, soi-disant, dans les pays musulmans. Et quand ces manifestations-là se produisent dans leur pays, dans les pays des Occidentaux, dans les pays de l'Europe, de l'Amérique, on voit qu'ils sont prêts à tout faire pour arrêter les manifestants et à les stopper par les moyens les plus violents et les plus durs, avec des escouades anti-émeutes qui utilisent des matraques, qui utilisent toutes sortes de moyens, hein, pour arrêter les manifestants. Parce qu'ils disent, ces gens-là, ils nuisent à la paix et à l'ordre dans leur pays. Donc il faut les arrêter, parce qu'ils menacent la démocratie. Et ces manifestants, eux, ils utilisent toutes les méthodes les plus sauvages, hein, pour également établir leur désordre, pour justement créer une instabilité. La même chose que qu'est-ce que certains ignorants parmi les égarés et parmi les khawarij font dans les pays musulmans, eux, ils font la même chose au nom de la démocratie, et ils disent que le gouvernement essaie d'empêcher la démocratie et la liberté d'expression. Donc tous les deux utilisent le même argument et le même prétexte pour défendre leurs actions et leurs comportements. Et tous les deux se basent soi-disant au nom de, ils font qu'est-ce qu'ils font au nom de la démocratie. C'est la preuve, ça c'est une preuve et un signe même que ce système démocratique est en contradiction avec la raison et avec la révélation. Et que c'est quelque chose qui appelle à l'autodestruction, hein, de toutes les sociétés. Et c'est pour cette raison-là qu'un musulman ne peut pas accepter un système comme ce système et penser que c'est quelque chose qui peut amener du bien aux musulmans. Et que c'est quelque chose que chaque musulman doit rejeter dans son cœur, parce que c'est quelque chose qui est contraire au Coran, contraire à la Sunna et contraire à l'islam, sur tous les points de vue et dans tous les aspects. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon dans la démocratie ou dans les systèmes des koufars. Hein? Et on voit la preuve dans ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qui est étonnant de ces koufars, comme je dis, je dis que c'est étonnant, mais en réalité, ce n'est pas étonnant, parce qu'ils ne veulent pas le bien pour les musulmans. Mais c'est étonnant quand même, d'une certaine façon, de voir qu'ils l'encouragent chez nous, puis chez eux, ils font tout pour l'arrêter. Hein? Et ça, c'est la réalité de l'attitude hypocrite des koufars, hein, puisqu'ils ne veulent pas le bien pour les musulmans et pour l'islam. Donc, ça c'est juste une note en passant, parce que c'est ça ce que le cheikh explique. Chacun d'entre eux veut imposer son opinion. Et ici maintenant à Montréal, il y a des manifestations tous les jours, avec les étudiants qui font des manifestations tous les jours, et ça empire à chaque fois. Et le gouvernement a mis une loi pour les arrêter et ça n'a fait que les augmenter en transgression. Et maintenant ils accusent le gouvernement et il y a des partis d'opposition qui critiquent également cette décision. Donc c'est pour dire que c'est une société remplie de toutes sortes de contradictions et d'hypocrisie. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et c'est maintenant qu'on voit la réalité de ça. Dans ces situations-là, on voit la fragilité et l'instabilité de leur société. Après, le cheikh il dit: وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. Donc, le cheikh il dit que toutes les preuves du Coran et de la Sunna sont très apparentes et claires au sujet de l'obligation d'écouter le dirigeant et de lui obéir dans les moments de facilité comme dans les moments de difficulté, dans les moments de motivation comme dans les moments hein, des choses qui nous déplaisent, dans les situations qui nous déplaisent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé même jusqu'à dire: écoute et obéis, même s'il prend tes biens, même s'il frappe ton dos. Hein, ça c'est rapporté dans Sahih Muslim, c'est un hadith authentique. Donc même s'il prend tes biens, même s'il frappe ton dos, c'est-à-dire même si le dirigeant il frappe les gens, même s'il vole le bien des gens, il prend leurs biens, même s'il tue les gens, ils doivent écouter, ils doivent obéir dans le bien. Hein, c'est pas pour dire comme certains ignorants parmi les musulmans qui n'ont pas étudié l'islam, qui n'ont pas étudié la sunna, qui connaissent pas la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, qui font juste suivre la pensée ou l'idéologie des kuffars, des laïcs et des démocrates, ou des communistes ou des anarchistes, hein, ou qui prennent leurs idées des khawarij et des mu'tazila, et qui disent non, si le dirigeant il fait de l'injustice, ou s'il prend les biens, ou s'il tue, eh bien il faut l'enlever du pouvoir à tout prix, même il faut le combattre, hein. Et s'il devient kafir, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, excepté si vous voyez un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah, ils disent bon, ça y est, le dirigeant est kafir, il faut le combattre. Et ils ne prennent pas en considération les masalih et les mafasid, et qu'est-ce qui peut en découler s'ils n'ont pas la force, hein, si ça va créer plus de mal ou plus de fitna ou plus de problèmes, et que ça va tuer des innocents, que ça va éliminer la sécurité dans la société et la paix dans la société, que les gens auront peur pour leurs biens, pour leur personne, pour leur sang et pour leur honneur. Ils ne prennent pas en considération rien de ça. Et ils ne retournent pas aux ulama de l'islam pour savoir qu'est-ce qu'ils disent au sujet de ces choses-là. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Ils ne prennent pas ça en considération parce que ce sont des gens qui suivent leur passion, hein, et qui sont des gens qui appellent à l'ignorance et à la passion. Donc, Le hadith, il est clair à ce sujet-là. Même s'il y a des ignorants comme Muhammad al-Urayfi, ou bien Salman al-Awda, ou d'autres parmi les gens qui ont des manhaj qui sont en opposition avec la voie des salafs, qui commencent à essayer d'interpréter ces hadiths-là en dehors de leur contexte, et qui essaient de dire, par exemple, que ça, non, ça signifie quoi? Ça signifie, s'il y a un dirigeant qui a un problème personnel avec un citoyen et qu'il lui vole ses biens ou qu'il lui fait du mal à lui seulement, donc dans ce cas-là, il doit écouter et obéir. Mais si le dirigeant fait de l'injustice à toute la population, alors là, non, dans ce cas-là, il faut qu'il yani, dans ce cas-là, ils peuvent se révolter. Ça, c'est, hein, c'est une parole qu'il interprète à sa façon, selon sa raison, selon son opinion personnelle et avec l'ignorance. Et c'est pour cette raison-là que les ulama ont réfuté cette parole de leur part, hein, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, le Mufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali. Ils ont tous parlé contre cette fausse interprétation de la part de cet individu et de ses semblables, ou de leurs semblables. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention à la fitna comme Yusuf Al-Qardawi et compagnie. Donc il est interdit de lui désobéir dans le bien. C'est-à-dire c'est interdit de lui désobéir quand il appelle au bien. Et de s'objecter à son autorité. Hein? Et c'est interdit également d'agir contre lui et de briser notre entente et notre pacte qu'on a avec lui, avec ce dirigeant, parce que c'est lui qui est le représentant des musulmans et qui regarde qu'est-ce qui est bon pour eux et sa vision de qu'est-ce qui est bon pour eux est meilleure que leur vision à eux de qu'est-ce qu'ils peuvent penser qui est bon pour eux-mêmes. Et par le fait que lui, il est au pouvoir, qu'il est dirigeant des musulmans, eh bien c'est ainsi que la société peut être en ordre et droite, et que les musulmans peuvent être unis, et en particulier du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a placé sur eux, donc surtout en particulier là il parle de ce pays là puisque c'est à l'époque il parle de la Dawlat al-Islam, le pays de l'Arabie Saoudite, à l'époque de ces grands ulamas, et aujourd'hui encore, hein, ils ont un gouverneur qui juge selon la religion de l'islam et qui donne le bon conseil et qui agit avec sincérité envers sa population, hein, envers les religieux parmi eux en particulier. Il leur fait du bien et il leur donne ce qui est bénéfique pour eux. Il construit pour eux des mosquées et il diffuse parmi eux des gens qui vont appeler à Allah et qui vont leur donner les connaissances qu'ils ont besoin de connaître et qui baissent les yeux parfois ou qui ferment les yeux devant certaines de leurs erreurs ou de leur ignorance. c'est-à-dire les erreurs et les ignorances de certains d'entre les individus de la population. Hein, il les pardonne et il ferme les yeux sur certaines de leurs erreurs parfois, hein, par miséricorde. Donc, ça c'est des exemples. Après, il dit « Wa wujudu hadha fi akhir al-zaman min a'zami ma an'ama Allah bihi ala ahli hadhihi al-jazira. فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا فلا يجوز الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصى المسلمين وفارق جماعتهم الى اخر ما قال رحمهم الله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la présence d'un tel dirigeant, d'un tel gouvernement à la fin des temps, vers la fin des temps, c'est une des plus grandes grâces que Allah a pu donner à cette umma, à cette jazira. Et il est obligatoire donc pour eux d'être reconnaissants de cette grande grâce et de la prendre en considération et de lui venir en aide et d'être sincère envers elle intérieurement et extérieurement. Et il n'est pas donc permis d'appeler donc de s'objecter ou de venir à d'appeler à yani contredire ou appeler à se révolter contre ce genre de gouvernement ou à prendre des décisions dans les choses de ce gouvernement, excepté avec sa permission. Et celui qui prend qui fait des efforts pour essayer de créer des divisions dans ce pays, eh bien, il travaille pour diviser les musulmans et pour diviser la jama'a. Et jusqu'à la fin de ce qu'ils ont dit dans la Durar al-Saniyah, volume 9 à la page 135 à 136. Donc le cheikh Mohammed ibn Aqil, il dit après cette citation: Fama ahwaju du'at al-islam fi hadhihi al-azmina al-muta'akhira ila mithli hadhihi al-kalam wa dirasatihi dirasatan muta'anniya ma'rifata fiqh as-salaf wa ma'rifati fiqh as-salaf رحمهم الله في هذه المسألة الخطيرة حتى يكونوا بذلك دعاة خير وألفة لا دعاة شر وفرقة وفتنة. وهكذا لو تتبعنا هذا الموضوع في كتب أئمة الدعوة لوجدنا كلامهم رحمهم الله موافقا لمنهج السلف في وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين والنصيحة له بالرفق سرا وعدم تتبع عوراته فسلمت بذلك الأمة من الفتن وعم الاجتماع الحاضر والباد ولله الحمد والمنة. نعم. Donc juste en passant, donc on va aller, on traduit ça, puis inshallah après je vais faire un petit point là, que je vais mentionner un petit point à propos de quelque chose qui a rapport avec ça inshallah. Le cheikh, il dit donc, on a un grand besoin, hein, on a un grand besoin de la part des gens qui appellent à l'islam dans cette époque, à notre époque, hein, on a un grand besoin de la part de ceux qui font la da'wah à l'islam de clarification de ce genre, de ce genre de paroles, et des études approfondies sur ces questions-là. Et on a besoin également de connaître la compréhension de nos salafs dans cette question qui est très dangereuse, pour qu'ils puissent être des gens qui invitent et qui appellent au bien et à l'union, à l'unité, et qu'ils ne soient pas donc des gens qui invitent au mal et à la division et à la fitna. Et c'est ainsi que si on suit ce sujet dans les livres des imams de la da'wah, après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, on trouverait dans leurs paroles qu'elle est en accord avec le manhaj des salafs dans la question de l'obligation de l'écoute et de l'obéissance à celui qui est au pouvoir sur nous. Et Yanni qui mentionne l'obligation de donner la nasiha aux dirigeants avec douceur, de façon que ce soit en secret ou le fait de ne pas suivre les défauts et les fautes de nos dirigeants et de ne pas les divulguer. Et si on respecte cela et on trouve cela de leur part, eh bien c'est certain que la Ummah sera épargnée de différentes formes de fitan et sauvée de différentes formes de fitan. Et c'est ainsi que on verra que tout le monde sera uni, qu'ils soient des gens de la ville ou des gens de la campagne ou des gens parmi les bédouins. Walillahi alhamdu wal minna. Donc ça c'est pour dire que ces savants et ces imams, ils ont tous suivi le manhaj des salafs sur cette question. Et on a lu même au dernier cours les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Al-Usul Sitta, et comment il a lui aussi mentionné ça comme étant un point parmi les points les plus importants dans sa da'wah. Il a mis ce point-là parmi les points les plus importants. Parmi les six piliers, les six fondements, il a mentionné celui de l'écoute et de l'obéissance des dirigeants comme étant le troisième pilier ou fondement de la religion. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et on entend souvent la parole des gens de bid'ah parmi les soufis et parmi les soufis, parmi les asha'ira ou d'autres groupes de bid'ah qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de faire partie des khawarij, parce qu'il l'accuse, comme j'avais expliqué déjà, de faire le takfir des musulmans. Et également, on voit qu'il l'accuse d'avoir appelé à la désobéissance, ou à la rébellion contre le dirigeant. Et c'est quoi ces shubuhat, en fait? Comme on a expliqué la dernière fois, c'est que quand ils disent que le cheikh a fait le takfir des musulmans, en réalité, ils condamnent le cheikh d'avoir dénoncé le shirk et l'adoration des tombes. Et il considère que celui qui fait ça, il fait le takfir des musulmans. Or, celui qui adore les tombes et qui prie les morts, il n'est pas musulman, mais c'est un mushrik. Donc celui qui fait le takfir des mushrikin, eh bien, c'est pas un khariji. Le khariji, celui qui fait partie des khawarij, c'est celui qui fait le takfir des musulmans qui sont sur le tawhid et qui s'éloignent du shirk. Mais celui qui fait le takfir des gens qui font le shirk et qui adorent les tombes et les morts et les saints et qui les prient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ce sont pas des musulmans. Donc si on fait leur takfir, eh bien ça c'est pas équivalent à faire le takfir des musulmans. Donc ça n'a rien à voir avec la voie des khawarij. Les khawarij font le takfir pour des péchés, des kaba'ir, comme ils font le takfir des gens qui font le zina ou qui boivent de l'alcool ou qui volent ou qui tue, ils vont dire ça c'est des kuffars. Ça c'est les khawarij. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a jamais fait ça. Il n'a jamais appelé à ça. Il a appelé à faire le takfir des mushrikins et non pas de faire le takfir des musulmans. Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Et également la question de la désobéissance du dirigeant, parce qu'ils disent qu'à l'époque il y avait l'Empire ottoman et que il y a eu des conflits ou des combats entre Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou ceux qui sont venus par la suite, entre eux et ceux qui étaient au pouvoir, par exemple dans l'Empire ottoman. Et il faut savoir premièrement que la péninsule arabe à l'époque, en particulier le Najd, là où vivait le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et le Cheikh Mohammed bin Saoud, elle n'était pas sous l'autorité de l'Empire ottoman. Donc elle était en dehors des limites du territoire de l'Empire ottoman. Il n'avait aucune autorité sur cette région. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'avait aucune obéissance et ne devait aucune obéissance aux dirigeants de l'Empire ottoman. Ça c'est premièrement. Donc il n'y a pas de khourouj là-dedans. Il n'y a pas de désobéissance à l'autorité là-dedans. Deuxièmement, c'est les Ottomans qui ont attaqué en premier et qui ont envoyé des armées avec Mohammed Ali, Pacha de l'Égypte, qui envoyaient des armées, parce qu'ils étaient alliés avec la Turquie à l'époque, avec l'Empire Ottoman, et qui ont envoyé des armées et qui ont massacré les hommes, les femmes et les enfants et les vieillards là-bas, hein, dans la péninsule, dans le Najd. Donc, c'est, eux, ils n'ont fait que se défendre et combattre ceux qui les combattaient. Alors, comment tu viens dire par la suite que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était un khariji, ou qu'il appelait, hein, à la voix des khawarij? Non. Au contraire, on voit dans ses principes et dans ses fondements l'écoute et l'obéissance aux dirigeants. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il a écouté et obéi aux dirigeants qui étaient son dirigeant, c'est-à-dire le cheikh Mohammed bin Saoud. Hein? Rahimahumullah. Donc, ça c'est pour clarifier ce point. À ce sujet. Puis là, le cheikh il explique d'autres shubuhat aussi. Il dit: وهناك شبهة يذكرها بعض من بعض دعاة الفتن على شباب المسلمين وهي أنه يوجد في بعض رسائل هؤلاء الأئمة إلى ولاة أمورهم بعض الشدة في العبارة وبعض الملاحظات على سبيل الإنكار والمعاتبة. فالجواب على هذا من وجوه. Donc le cheikh il dit que parmi les, il y a des exemples des gens à notre époque qui appellent à la fitna. Il essaie de jeter des shubuhat aux jeunes musulmans. Et parmi les exemples de shubuhat, c'est l'exemple de ce qu'on retrouve parmi les lettres de ces imams de la da'wah qu'ils ont écrit à certains des responsables et des dirigeants des musulmans. Et dans ces lettres, parfois, on trouve de la dureté dans certaines paroles ou certaines expressions. Et donc, on voit qu'ils condamnent ou ils dénoncent certaines choses que les dirigeants ont faites à l'époque. Et donc, ils utilisent ces exemples-là pour essayer de montrer que, regardez, ces savants-là, ils utilisaient de la dureté envers leurs dirigeants et ils écrivaient ces lettres. Hein, pour critiquer ou condamner les dirigeants. Le cheikh il répond à ça de plusieurs façons et avec plusieurs points. Premièrement, الوجه الأول أن هذه الرسائل التي ظهرت من أعظم الأدلة على صدق علماء هذه الدعوة في دينهم وأنهم بعيدون كل البعد عن التهمة بالمداهنة للحكام في دين الله وأنهم شجعان لا تأخذهم في الله لومة لائم. Donc premièrement, ces lettres qui sont apparues sont parmi les plus grandes preuves de la sincérité de ces savants la sincérité des savants de cette da'wah dans leur religion, et qu'ils sont loin de toute accusation qu'on pourrait leur faire d'être des gens qui veulent faire des compromis dans la religion d'Allah pour faire plaisir aux dirigeants, parce qu'ils sont courageux et ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur dans qu'est-ce qui a rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. الوجه الثاني أنهم ليس مرادنا من النهي عن الخوض فيما يعمله الإمام من المعاصي أننا ننهى عن إنكار المنكر إذا خرج منه بل إنما ننهى عن إعلانه بين العامة. أما مراسلة الإمام سرا والذهاب إليه في مكانه وهو ومصارحته فهذا مطلوب شرعا بشروطه المعروفة. وهذه الرسائل التي يذكرها هؤلاء هي من هذا الباب، فإنها رسائل خاصة أرسلت سرا إلى أولياء الأمور متضمنة لنصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وليس كما يفعله دعاة الفتن من نشر المنكر على المنبر والمجلات داخل بلاد الإسلام. نعم، بل والاستعانة بالكفار على أولياء أمور المسلمين والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit comme deuxième point que qu'est-ce qu'on veut dire comme par rapport au fait qu'on mentionne que il est interdit de rentrer dans les discussions par rapport à qu'est-ce que font les dirigeants comme péché? Ça ne veut pas dire qu'on interdit de façon absolue de condamner le mal lorsque le mal est fait, si ce mal est fait de la part d'un dirigeant. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de divulguer ça devant les gens. Mais par contre, d'écrire une lettre, hein, en privé, hein, une lettre confidentielle qu'on va envoyer au dirigeant pour lui donner la nasiha et de lui donner des conseils et de lui parler pour condamner un mal qu'il fait, ou bien d'aller le voir personnellement là où il est pour lui donner le conseil et de lui parler franchement et clairement et directement, il dit ça, c'est quelque chose qui est, hein, exigé par l'islam, par la charia, avec les conditions qui sont bien connues, que ce soit par exemple en secret et en privé. Donc les lettres qui sont mentionnées dans les paroles de ces grands imams, dans Ad-Durar al-Saniya, hein, ou autres, eh bien, elles font partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire que ce sont des lettres qui ont été envoyées en privé et en secret aux responsables et aux dirigeants de leur époque et qui contiennent des conseils et des ordonnances du bien et des interdictions du mal, hein, mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est bien entendu le contraire de ce que font les gens aujourd'hui qui appellent à la fitna et qui diffusent le munkar sur le minbar ou dans les magazines à l'intérieur des pays musulmans, et même parfois ils demandent même l'aide des koufars contre les dirigeants des musulmans. Yani wal'iyadu billah. Donc c'est pas la même chose. Il faut pas confondre, il faut pas mélanger entre ce que font les ulama de l'islam quand ils envoient des lettres privées aux dirigeants pour leur donner la nasiha en secret, et ce que font ces gens de fitna qui condamnent les actions des dirigeants devant la population, soit dans les mosquées sur le minbar, ou bien devant les gens dans les assemblées publiques, ou bien à la télévision, ou dans les journaux, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est deux choses différentes. Et le cheikh il dit « وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْهَجِ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ مَا جَاءَ عَنْ أُسَامَةِ بْنُ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه وقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه وما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. Donc ça, c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est parmi les choses qui prouvent, hein, la véracité de ce manhaj, qui est le manhaj des salaf al-salih. C'est un hadith rapporté selon Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu. Lorsqu'on lui a dit, pourquoi tu ne rentres pas chez Uthman? N'es-tu pas rentré chez Uthman ibn Affan pour lui parler? Alors il dit, Usama ibn Zayd a dit, est-ce que vous pensez que si je lui parle, je dois vous faire entendre à chaque fois? Est-ce que je vais lui parler à chaque fois et à chaque fois je dois vous faire entendre? Qu'est-ce que je lui dis? Il dit, par Allah, je lui ai parlé entre moi et lui, hein, sans que j'ouvre une porte de quelque chose que je n'aime pas ou que je sois le premier à l'avoir ouverte. Hein, et le cheikh, il mentionne les paroles de ulama sur l'explication de cette parole. Hein, les paroles de Al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari. Il dit, قال الحافظ رحمه الله قوله وقد كلمته فيما دون وقد كلمته ما دون أن أفتح بابا أي كلمته فيما أشرتم إليه لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hafiz ibn Hajar, il dit, rahimahullah, quand Oussama dit, je lui ai parlé sans que j'ouvre une porte, il dit, c'est-à-dire, je lui ai parlé, hein, dans ce que vous m'avez indiqué, de la façon qui amène le bienfait et les bonnes manières, et en secret, sans que dans ma parole, il y a quelque chose qui incite la fitna. Ensuite, il cite encore une autre parole. Il dit, وقال الحافظ قال المهلب أراد من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخفى عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله. فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا لولا كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده. دونك لشيخ الإمام الحافظ بن حجر دا فتح الباري الست المهلب كي دي que les gens ont voulu de la part de Oussama qu'il parle à Othman, hein, parce qu'il faisait partie des gens qui étaient très proches, parmi les gens particuliers de Othman, les gens proches de Othman. Donc il pouvait rentrer chez lui et lui parler en privé. Alors il voulait que il aille lui parler au sujet des choses que il, au sujet des choses qu'il ignorait, parce que il voulait qu'il parle en particulier à propos de l'affaire qui concernait Al-Walid ibn Uqba. Parce que Al-Walid ibn Uqba, c'était son demi-frère. C'était le demi-frère de Uthman. Et il était son frère de sa mère. Et il travaillait comme amir dans un des comtés des musulmans, une des régions où les musulmans régnait, c'était un des responsables. Les gens avaient senti chez lui une odeur d'alcool. Alors, les gens commençaient à répandre cette rumeur qu'il buvait de l'alcool ou des choses comme ça. Alors, les gens voulaient de Oussama qu'il aille donner la nasiha à Othman. Alors, Othman a dit, je lui ai parlé. C'est-à-dire, j'ai parlé à Othman, mais je lui ai parlé en privé. Sans ouvrir une porte, c'est-à-dire sans ouvrir la porte de la dénonciation publique ou divulguer cette dénonciation des dirigeants de façon ouverte au public, par crainte de diviser la parole des musulmans. Puis il leur a fait savoir par la suite qu'il ne faisait des compromis pour personne et il ne transigeait avec personne, même si c'est un dirigeant. Mais il donne le conseil et la nasiha, mais il la donne en privé et il fait son effort là-dedans. Il dit: وقال الحافظ وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. Donc il dit, Al-Hafid ibn Hajar, il dit que Ayyad a dit que ce que Oussama veut dire ici, c'est qu'il ne veut pas ouvrir la porte de la dénonciation du dirigeant publiquement, ou de dire ça ouvertement ou publiquement devant les gens, par crainte des conséquences de cela. Et plutôt, il préfère il le fait de manière qui est douce, avec douceur. Et il lui donne la nasiha en privé, hein, parce que ça c'est quelque chose qui va être plus facile à accepter de sa part. Donc ça c'est dans Fath al-Bari, le volume 13, de la page 51 à 52, hein, de façon résumée. Ça c'est ce que le cheikh a cité ici. Après il dit: فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث العظيم فإن التهم التي قيلت لأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه من عدم النصيحة لولي الأمر والمداهنة في ذلك، ورد أسامة رضي الله عنه ودفاعه عن نفسه، وأن الواجب النصيحة للإمام سرا لا زالت تتردد من دعاة الفتن حتى يومنا هذا. فتدبر هذا الحديث فإنه نافع عاصم من الفتن بإذن الله. وهكذا هذه الرسائل بين العلماء والحكام فإنها من باب النصيحة السرية على منهج السلف، وهي دليل كذلك على عدم مداهنة علماء الدعوة السلفية، وأنهم إنما يأتون الأمور من أبوابها كما قال أسامة رضي الله عنه. Donc, le cheikh il dit, regarde, que Allah te fasse miséricorde, ce grand hadith, dans lequel il y a des accusations qui ont été mentionnées contre Usama ibn Zayd, hein, le bien-aimé du messager, sallallahu alayhi wa sallam, fils du bien-aimé du messager, sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'on l'accusait de ne pas donner la nasiha aux dirigeants et de faire des compromis ou d'essayer de transiger dans les questions de religion avec lui pour lui faire plaisir. Et Usama ibn Zayd a repoussé cette accusation et il s'est défendu lui-même. Et il a dit que l'obligation, il a confirmé l'obligation de donner la nasiha aux dirigeants en secret. Et on voit que ce genre d'accusation et ce genre de shubha, elle continue à être propagée à notre époque aujourd'hui par certaines personnes qui appellent à la fitna. Alors, méditez sur ce hadith, parce qu'il est très bénéfique et il nous protège et il nous préserve des différentes fitanes, bi'iznillah. Hein? Et ça, c'est dans la même catégorie des lettres qu'on retrouve de la part des ulama qu'ils ont écrit aux dirigeants. Ça fait partie également de la nasiha qui est donnée en secret pour les dirigeants, selon le manhaj des salafs. Et ça, c'est la preuve que nos dirigeants, ils ne font pas de compromis, hein, ils ne font pas de compromis dans yani, la da'wa et yani, les ulama salafis, ils ne font pas de compromis dans l'islam, et ils ne font pas des compromis pour essayer de faire plaisir aux dirigeants. Et donc, ils font les choses comme il faut, selon les règles de l'islam, hein, comme l'avait fait Usama ibn Zayd. رضي الله عنه. وهنا مسألة مهمة وهي أن هذه الرسائل ما كان ينبغي أن تنشر بين العوام وأشباههم من ضعاف طلاب العلم فإنهم يضعونها في غير موضعها فتكون لبعضهم فتنة وقد نهى عن تحديث القوم بما لا يعقلونه حتى لا يكون لبعضهم فتنة وقد سبق معنا كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يجمع الناس في منى يحذرهم من الفتن ويخبرهم كيف تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه فنهاه عن ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحذره من ذلك وحذره من ذكر ذلك عند عامة الناس فيضعوه في غير مواضعه وأشار عليه بأن يصبر حتى يأتي المدينة ثم يحدث به أهل الحل والعقد والعقل والعلم فيضعوه مواضعه. Donc le cheikh il explique, il dit ici il y a un point très important et c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération par rapport à ces lettres qui ont été écrites de la part des imams de la da'wa aux dirigeants, c'est que ces lettres-là ne devaient pas être distribuées ou diffusées parmi le commun des musulmans et les gens de ce genre, parmi les faibles d'entre les étudiants de la science islamique aussi, parce qu'ils ne vont pas les placer à la place où elles doivent être placées, et ils ne vont pas les prendre dans leur contexte, et donc elles risquent de devenir une fitna pour certains d'entre eux, et on a été interdit de parler et de mentionner aux gens ce qu'ils ne peuvent pas comprendre pour que ça ne devienne pas justement une fitna pour certains d'entre eux, d'entre les gens. Et on a mentionné précédemment comment Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait voulu à l'époque réunir les gens à Mina pour les avertir de la fitna, des fitanes et pour leur expliquer comment avait été réalisée la bay'a de Abu Bakr radiallahu anhu. Puis Abdurrahman ibn Auf lui a interdit de faire ça et il l'a averti et il lui a mentionné que dans le hajj il y a toutes sortes de personnes, parmi eux il y en a qui sont des gens faibles ou des gens faibles d'esprit, ils ne vont pas savoir comment prendre ces informations là et comment les accepter ou comment les comprendre. Alors, il lui a fait voir que, il lui a donné l'indication qu'il devait plutôt faire preuve de patience et d'attendre jusqu'à ce qu'il retourne à Médine, puis de rassembler les gens, yani, qui font partie des gens qui sont les savants parmi eux et les gens qui ont un bon jugement, pour les réunir et pour leur expliquer la situation et pour leur faire comprendre parce que ceux-là sauront comment prendre ces connaissances-là et comment les gérer, comment gérer ces informations-là et quoi faire avec. Donc, on a déjà cité donc ce hadith-là dans les chapitres précédents. Ensuite, le Cheikh dit: وهذا أمر مهم لكنه يفوت كثيرا ممن تصدر للدعوة في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله فتجده لا يفرق في كلامه بين الصغير والكبير وبين العالم والجاهل وبين ما ينبغي أن يقال وما يجب أن يكتم عن بعض الناس حتى لا تقع فتنة وهذه الأمور لا يفقهها إلا من رزقه الله فقها في دينه وخبرة في كلام السلف رحمهم الله. Donc le cheikh il dit ça c'est une chose importante mais elle échappe à beaucoup de gens qui se sont mis dans l'avant-scène de la da'wa à notre époque. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alors tu trouves qu'il y a des gens qui parfois ils ne font aucune distinction quand ils parlent entre les gens petits et les grands, entre le savant et l'ignorant, hein, entre ce qui doit être dit et ce qui est obligatoire de cacher de certaines personnes, pour pas qu'il ne se produise de fitna. Hein, et ces choses-là, il y a des gens qui ne les comprennent pas. Et seulement ceux à qui Allah a donné la compréhension de la religion peut arriver à comprendre ces choses-là et ceux qui ont une connaissance également des paroles des salafs, rahimahumullah, peuvent comprendre ce genre de choses-là. Sinon, il y a des gens qui n'ont aucune sagesse. Ils disent tout à tout le monde et à n'importe qui. Et ils ne distinguent pas les gens, entre les gens. Il y a des gens, on n'est pas obligé de leur dire tout dans des questions qui peuvent créer de la fitna. Justement, il faut faire preuve de sagesse et éviter justement de diffuser certaines informations ou certaines choses qui pourraient justement créer plus de mal, hein, dans les oreilles de quelqu'un ou de certaines personnes en particulier. Ensuite, le cheikh il dit al-wajh al-thalith, le troisième point pour répondre à cette shubha, le cheikh il dit anna hadhihi ar-rasa'il wal murasalat qad sadarat min fi munasabat khassah la yanbaghi an yuqas 'alayha ghayraha ولا ينبغي أن تعتبر أصلا في المسألة وإنما الأصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله أما هذه الرسائل فهي مقيدة بمناسبات خاصة فليست حجة إلا مع ما يماثلها من حالات قيلت أو كتبت بسببها ومن المعلوم أن الأحكام تدور مع عللها ووجودها وعدمها ومثل ذلك ما يقوم به بعض الطلبة العلم وقت الفتن من قراءة أحاديث الفتن على العامة تنزيلها على واقع الناس اليوم حتى أصابوا العامة بالخوف والاضطراب وهذا منهج باطل فإن عامة أحاديث الفتن الكبار إنما هي في آخر الزمان وقت ظهور أشراط الساعة الكبرى فلا ينبغي أن تقرأ على العوام إلا مع بيان أن المراد منها علم وقته عند الله وبيان أنها لا تدل على الزمان الذي نحن فيه وأن زمانها لم يحن بعد حتى لا يفتات الإنسان على الله ويقول على الله بلا علم فيصيب الأمة بالفتن من حيث أراد سلامتها فلينتبه طالب العلم لهذا الأمر ولا يتساهل به فإنه أمر مهم وخطر. Donc le cheikh il dit que le troisième point pour répondre à cette choubha, c'est que ces lettres et ces messages ont été écrits dans des occasions bien spécifiques et on ne peut pas faire des analogies entre ces occasions-là et d'autres occasions, et on ne peut pas les considérer non plus comme étant des bases ou des fondements dans les différentes questions, parce que la base c'est le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce que les salafs de la Ummah se sont mis tous d'accord à son sujet, comme l'ijma, les choses de consensus des salafs, ça c'est les bases, mais ces lettres, elles sont limitées et restreintes à des occasions spécifiques. Elles ne sont pas des preuves, excepté dans des situations qui sont des situations semblables ou des cas qui sont des cas qui sont semblables aux situations dans lesquelles ces lettres ont été écrites. Et parmi les choses qui sont connues, c'est que les règles, eh bien, elles sont reliées à leur cause, qu'elles existent ou qu'elles les règles de la religion sont reliées à des causes, hein, et à des raisons et à des situations. Donc, si ces causes sont présentes, les règles s'appliquent. Si les causes et les raisons sont absentes, elles ne s'appliquent pas. Donc, il ne faut pas essayer de penser que parfois on applique des choses parce qu'on pense qu'il y a des analogies qui sont présentes alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est les hommes de science qui savent quand est-ce qu'on peut appliquer certaines règles et quand est-ce qu'on ne peut pas les appliquer. C'est comme certains ignorants parfois aujourd'hui qui retournent au livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et des fatwas qu'il a faites à l'époque des Tatars, lorsqu'ils combattaient les Tatars, et qui veulent les appliquer avec des gens aujourd'hui dans certaines situations, alors qu'il y a des grandes divergences et il y a des grandes différences entre l'état et la situation de l'époque et la situation actuelle. Donc le fait d'essayer d'appliquer ces fatwas de Cheikh al-Islam qu'il a faites à son époque et de les appliquer aujourd'hui dans des situations qui sont totalement différentes, ça c'est de l'ignorance. Et c'est malheureusement qu'est-ce qu'on retrouve de la part de certains parmi les Khawarij, que ce soit en Égypte ou en Algérie ou ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans ses fatwas, puis ils ont essayé de les appliquer dans un contexte qui est totalement différent. Et ils pensent, eux, qu'il y a des ressemblances, alors ils les appliquent, mais sans aucun fiqh et sans aucune compréhension. Et parmi les ulama qui a réfuté ça, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hein, il a réfuté les choubouhats de ces takfirines et de ces khawarij. Et bien d'autres savants également. Ensuite, le Cheikh, il dit comme certains toulab ilm à notre époque, certains étudiants en sciences islamiques, quand ils voient des fitan, eh bien, ils prennent les hadiths qui parlent des fitan et puis ils les mentionnent au commun des musulmans. Et ils essaient d'appliquer ces hadiths à la situation dans laquelle les gens vivent, à des situations qui sont, par exemple, les situations dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et donc, le commun des musulmans, quand ils entendent ça, ils sont pris de crainte et de confusion par la suite. Et cette méthodologie, c'est une méthodologie qui est fausse. Parce que la plupart de ces hadiths parlent des grandes fitanes qui vont arriver vers la fin des temps, à l'époque où il y aura les grands signes de la fin des temps. Et donc, il n'est pas correct de lire ces hadiths-là au commun des musulmans, excepté en leur clarifiant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans ces hadiths-là et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dans ces hadiths, dans le sens que à quelle époque ces hadiths-là vont se produire, c'est vers la fin des temps. Hein? Donc il faut expliquer ça quand on lit ces hadiths. Et qu'elles ne s'appliquent pas à notre époque maintenant, mais que cette époque-là n'est pas encore arrivée. Hein? Donc c'est ça que le Cheikh a dit. Donc on ne doit pas mentionner ces hadiths-là pour faire peur aux gens, puis on parle en réalité sans connaissance et on dit des choses fausses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à cause de ça, les musulmans sont pris dans des fitanes, alors que les gens pensaient qu'en faisant ça, ils allaient les épargner des fitanes, ils les font tomber dans d'autres fitanes. Donc le talib ilm, il faut qu'il fasse attention à ce genre de choses-là, et il ne doit pas prendre ces choses-là à la légère, parce que c'est quelque chose qui est important et qui est dangereux. J'aurais voulu finir le chapitre avant la fin, donc je vais essayer de me dépêcher, inshallah, parce qu'il reste juste une page et demie ou deux, donc on va finir ça, inshallah, puis on va s'arrêter, même si maintenant je sais que le temps est avancé, mais bon, on va faire ça vite, inshallah. نعود الآن إلى الرسائل التي قيلت في مناسبات خاصة. فأقول قد أشكلت هذه الرسائل على بعض طلاب العلم في السابق. وحدثت بسبب هذا الإشكال جدال بينهم. فبلغ ذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله فكتب نصيحة لطلبة العلم فقال رحمه الله: الموجب لهذه النصيحة هو ما أخذ الله علينا من الميثاق في بيان ما علمنا من الحق وخفي على غيرنا. وأيضا ما بلغني عن بعض الإخوان من خوض بعضهم في بعض وكذا في ولي أمرهم, فعن لي أن أذكر كلمات لعل الله أن ينفع بها, وأسأل الله التوفيق والإعانة, وأعوذ بالله من اتباع الهوى والإهانة. وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته ومن قضى عليه بالشقاء فلا حيلة في الأقدار. فأقول مستمدا من الله الصواب, معتمدا عليه في دفع ما دها من الحوادث ونابا, اعلموا جعلني الله وإياكم ممن علم وعمل أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في مرتبة فوق الشرك. وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالفة الكفار ومعاملتهم بمصالح بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها في موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث. وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق. Donc le cheikh il commence. Il dit, on retourne maintenant à la question des lettres, au sujet desquelles on a dit qu'elles sont écrites dans des situations spécifiques. Je dis que ces lettres, à un moment donné, elles ont causé certaines difficultés dans la compréhension de certains d'entre les jeunes à l'époque. Et ils ont commencé à discuter et à débattre à ce sujet-là. Alors, le cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari, il a entendu ça. Alors, il a écrit une nasiha pour les tulab al-ilm, pour les étudiants à l'époque. Et il dit dans cette lettre, et ça c'est dans Ad-Durar al-Sani, le volume 9, à la page 157-158, il dit, qu'est-ce qui m'oblige d'écrire cette nasiha? C'est ce que j'ai pris avec Allah subhanahu wa ta'ala comme entente, de clarifier ce que je sais de la vérité et de ce qui est caché de certaines autres personnes. Et également de ce que j'ai, de ce qui m'est parvenu de certains d'entre mes frères ou de certains d'entre les frères qui discutent et qui se critiquent les uns les autres au sujet de certaines de ces questions et aussi en ce qui concerne le dirigeant. Donc j'ai pensé qu'il était de mon devoir de mentionner certaines paroles à ce sujet-là. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala allait pouvoir rendre ces paroles-là bénéfiques. Et je demande à Allah le succès et l'aide. Et je cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait de suivre ma passion ou de suivre ce qui peut la rabaisser. Et il dit que celui pour qui Allah a voulu la guidance, il peut profiter donc de ces conseils-là. Et celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le malheur, eh bien il n'y a rien qui pourra le sauver et le ramener vers autre que ce qui a été prédestiné pour lui. Je dis ensuite, en cherchant la droiture de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et en mettant ma confiance en lui pour repousser tout ce qui peut se produire comme situation, sachez que Allah nous place parmi ceux qui ont la science et qui appliquent cette science, que le fait de parler sans science, c'est plus grave que le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 33 dans Surat Al-A'raf, dit, mon Seigneur a uniquement interdit les turpitudes, ce qui en est apparent comme ce qui en est caché, de même que le péché et la transgression sans droit, et que vous associez avec Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance. Il dit, le cheikh, que Allah a fait dans ce verset la parole, il a rendu la parole qu'on dit yani, sans connaissance, il l'a placé dans un degré au-dessus de celui du shirk. Hein, et il nous est parvenu que les questions qui vous causaient du problème, qui vous causaient des problèmes dans les discussions que vous avez, c'était uniquement au sujet de côtoyer ou de fréquenter les koufars et d'avoir des interactions avec eux dans les choses dans lesquelles il y a un bienfait ou des choses de ce genre. Et le fait qu'ils viennent rencontrer le responsable des musulmans ou le dirigeant des musulmans dans le but de faire ce genre d'entente ou de ce genre d'interaction. Et que cela ferait partie de prendre pour alliés les mouchriquines, tel que cela est mentionné dans les versets et dans les hadiths qui interdisent de prendre pour alliés les mouchriquines. Et il dit qu'il est possible que vous ayez compris cela du livre Ad-Dala'il, qui a été écrit par le Cheikh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Sheikh, Ad-Dala'il fi Ad-Dala'il, c'est un livre qui a été écrit au sujet de Al-Wala wal-Bara, au sujet des gens qui ont pris pour allier les Kuffar et les Mushrikin. Donc il mentionne les preuves que ça c'est interdit dans ce livre là puis aussi dans le livre Sabil al-Najat, écrit par le Cheikh Hamad ibn Atiq. Donc le Cheikh il va clarifier, parce qu'il y a des gens parmi les gens aujourd'hui, même aujourd'hui, qui ont des confusions par rapport à ces livres là donc imaginez, si à l'époque il y avait des confusions, imaginez à l'époque actuelle, parce qu'il y a des Khawarij aujourd'hui qui essaient de citer ces livres là comme des preuves, pour attaquer et critiquer des dirigeants, comme c'était le cas à l'époque. C'est pour ça que le cheikh Abdullah ibn Abdelaziz Al-Anqari, il répond à ces shubuhat. Il dit premièrement, أولاً نبين لكم سبب تصنيف الدلائل فإن الشيخ صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحب ظهورهم. وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة وهو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد. فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعانتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم إلى آخر كلامه المتين. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, je vous clarifie la cause pour laquelle ces livres ont été écrits, comme par exemple Ad-Dala'il. Il dit le cheikh, c'était le petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Sulaiman. Le fils du cheikh Mohammed ibn Abdul, le petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a écrit Sulaiman ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab et ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a écrit ce livre à l'époque où les armées turques ont envahi le Najd à son époque, et ils ont voulu complètement déraciner la religion de sa base, et détruire la da'wa complètement et la jama'a. Et un groupe des gens du Najd, parmi les bédouins et parmi les gens de la ville, qui ont aimé ça, c'est-à-dire qui ont donné de l'aide à ces armées turques pour déraciner la religion et combattre la religion. La même chose pour le livre du cheikh Hamad ibn Atiq, Sabil al-Najat. Il dit c'est lorsque des gens sont venus, les armées turques qui sont venues dans les pays du Najd, les pays musulmans du Najd, et ils sont venus et des gens les ont aidés pour prendre le pouvoir dans les pays du Najd. Hein? Donc, c'est des gens qui viennent pour écraser la da'wa du tawhid et de la sunna. Donc, il a écrit ce livre, Cheikh Hamad ibn Atiq, il a écrit Sabilun Najat, et le Cheikh également, Suleyman ibn Abdullah, ibn Abdelaziz, Suleyman ibn, ibn Abdullah, ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a écrit le livre Ad-Dala'il pour mentionner l'attitude de ceux qui prenaient ces gens-là pour alliés et qui les aidaient et qui les supportaient contre les musulmans. Donc c'est pas la même situation, c'est pas la même, c'est pas les, hein, la même, le même contexte. Donc d'utiliser ces livres-là pour essayer de les appliquer dans un contexte qui est différent, c'est-à-dire de faire des ententes avec le kuffar, hein, dans des choses qui amènent un bienfait pour les musulmans, dans des choses de la dunya, il y a aucun mal là-dedans et c'est pas, ça rentre pas dans qu'est-ce qui est une wala qui est interdite, hein, dans l'islam. Donc le cheikh il dit, le fait de connaître la cause de l'écriture de certains livres de la part des ulama, ça peut nous aider justement à comprendre la signification de ce qui est écrit dans ces livres-là. Et donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de prendre les kuffars pour allier et d'être d'accord avec eux? C'est lorsque tu es d'accord avec eux dans leur coffre et que tu leur montres de l'amour et que tu les aides contre les musulmans à cause de leur coffre et que tu es d'accord avec ça. Et que tu embellis leurs actions et que tu les aides, hein? Et tu montres que tu leur obéis, que tu te soumets à eux dans leur kufr. C'est ça dont Allah parle dans le Coran, qui est de prendre les kufars pour alliés, mais pas de faire des pactes ou des ententes économiques ou des ententes politiques avec eux sur des choses qui sont de la dunya. Hein? Il y a des gens qui mélangent tout, comme les Khawarij à notre époque. Le cheikh il dit, donc ça c'est la fin de cette parole, mais ça continue, mais ça c'est qu'est-ce que le cheikh voulait citer. Et si vous voulez avoir la suite, c'est dans le volume 9 de Ad-Durar al-Saniya, 157 à 158. Et il termine en disant, wa mithlu hadha al-kalam al-muhkam fi babihi kathirun fi kalam a'immat ad-da'wa rahimahumullah wa mithlu hadha al-fiqh wal-'ilm al-'aql wal-'aql تسلم الأمة من الفتن وتجتمع كلمتهم وتقوى شوكتهم فينصرهم الله بعزهم. وبهذا يتضح لنا جليا أثر هذه المواقف الصالحة على الفرد والأمة. حمانا الله وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc ça, ça vient conclure ce chapitre, le chapitre 2 de ce livre. Et inshallah on continuera donc la semaine prochaine bi'idhnillah avec le cours 26 et on rentre dans un nouveau chapitre qui est les positions qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf au sujet des fitan et ses effets sur les individus et sur la ummah et l'explication des racines historiques de ces différentes fitan. C'est-à-dire en arabe c'est ba'd al-mawaqif al-mukhalif al-manhaj al-salaf fil fitan وأثرها على الفرد والأمة وبيان جذورها التاريخية. Donc ça c'est par rapport à qu'est-ce qu'on va expliquer inshallah le cours de la semaine prochaine. Et le premier point dans ce chapitre c'est الاستهانة بالعلماء بعلماء الأمة وعلومهم وتعظيم الأصاغر. C'est-à-dire de dénigrer les ulama de cette umma et de dénigrer leur science et de vénérer et d'exalter les petits. Donc ça, ça fait partie des fitan. On va s'arrêter ici et on continuera, inshallah, inshallah, on va faire une pause de quelques minutes, disons 15 minutes, puis on va reprendre avec le cours de Kitab al-Tawhid. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.